Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Il retranche tout le sarment qui ne porte point de fruit en moi, et il émonte tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte plus de fruit. Vous êtes déjà nets par la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut point de lui-même porter de fruit, s'il ne demeure au cep, vous ne le pouvez point aussi, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se sèche, puis on l'amasse, et on le met au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et il vous sera fait. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, savoir, quand quelqu'un expose sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait point ce que son maître fait, mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez élu, mais c'est moi qui vous ai élu, et qui vous ai établi, afin que vous alliez partout, et que vous produisiez du fruit, et que votre fruit soit permanent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande ces choses, afin que vous vous aimiez l'un l'autre. Si le monde vous hait, sachez que j'en ai été haï avant vous. Si vous eussiez été du monde, le monde aimerait ce qui serait sien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai élu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Si je ne fusse point venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point de péché, mais maintenant ils n'ont point d'excuse de leur péché. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Si je n'eusse pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient point de péché, mais maintenant ils les ont vues, et toutefois ils ont haï moi et mon Père. Mais c'est afin que soit accomplie la parole qui est écrite en leur loi, ils m'ont haï sans sujet. Mais quand le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part de mon Père, savoir l'Esprit de vérité, qui procède de mon Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous en rendrez témoignage, car vous êtes dès le commencement avec moi.